Cours numéro 1. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نبدأ في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا مع إخواننا الأفاضل هذا الدرس في أصول التفسير للعلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. فنحن ولله الحمد ونتجي أنصابل البيقونية في أصول الحديث المصطلح كذلك القواعد الفقهية كذلك on a besoin de usul al-fiqh, كذلك usul fi al-lugha al-arabiyya. Tout ça, c'est des outils. Talib al-ilm, s'il les maîtrise, incha'Allah, il aura de la quwa. Quwa fi al-fahm. Quwa fi al-ibara, fi al-ta'bir. Il aura de la quwa fi al-idrak. Il aura de la quwa fi al-da'wa. Chaque chose, chaque matière, elle a des outils, que ce soit fi al-dunya ou fi al-din. Anta rakiz ayyuha al-talib. Rakiz ala usul al-masail. Usul al-ulum. Inch'Allah, ça va te donner de la quwa et on a expliqué ça dans plusieurs kalima, dans plusieurs durus. Et ce qui est le sens du tafsir, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a une célèbre risale muqaddimat au sens du tafsir. Et كثير من أهل العلم, ils ont fait des shuruhat à cette risale. Elle est muhimma et c'est la référence, c'est l'asl. مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شيخ ابن تيمية كذلك رسالة طيبة نحن لا شوازي لأنها les plus simples, les plus abordables pour nous. شيخ الإسلام ربما يتوسع في بعض المسائل, أما شيخ ابن تيمية cette رسالة il l'a écrit et elle est نافعة pour le تدريس et pour الدراسة, elle est très simple. قراءة مختصرة لا نتوسع, on n'a pas besoin à ce niveau. L'essentiel c'est de comprendre l'abwab, de comprendre les مسائل. نقرأ مقدمة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. قال رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. donc il commence par le basmala اقتداء بكتاب الله جل وعلا وكذلك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى le premier verset du Coran c'est le basmala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم quand il écrivait au Moulouk il commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammad ibn Abdullah ila Malik al-Rum, Malik al-Furs, Malik ila akhri. هذا سمهم. Et c'est كلمة استعانة. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أي استعين بالله. هذا سمهم. Et on l'a expliqué en détail dans plusieurs durus. ومن الأدب, c'est de commencer le كلام المهم بالبسملة. Une نصيحة, un درس, كتابة. Tu commences par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الشيخ رحمه الله الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه هذه اللفظة ونتوب إليه ألبا في الحديث المشهور خطبة الحاجة نتوب إليه لا شك أن المسلم يوافق التوبة من أسماء الله التواب لكن لا ستة في خطبة الحاجة هذا فيه نظر لأن الحديث الصحيح فيما أذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه سبستة ونتوب إليه فالأفضل في خطبة الحاجة سي دو با سيتي نتوب إليه تقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ثق بالله. T'as la conviction en celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il guide. Fala mudillala. Fala takhaf. Et ne donne pas, ne prête pas attention à ceux qui veulent te faire du mal. Ou ils veulent t'égarer. La, al-amri li biyadillah. Man yahdihillah, fala mudillala. Ça montre al-amri li biyadillah min qabl wa min ba'd. Qala wa man yudlil fala hadiyallah. Et celui qu'Allah il veut égarer, la hadiyallah. Lian Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hadi. C'est lui qui guide. Ça nous montre qu'on doit toujours revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Toujours on revient à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide, qui nous préserve de nos mauvais actes, qui nous préserve de l'égarement. Falihada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sayyidul khalq ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kama fi al-hadith wa na'udhu billah min shururi anfusina. Non, tu demandes à Allah qui te protège, qui te préserve contre les méfaits de ton propre nafs. Wa min sayyi'ati a'malina, ça te montre que l'a'mal as-sayyi'a ala athar. Elle fait du mal au shakhs. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te préserve contre ça. Et tu sais, tu as la conviction que si Allah te guide, personne ne peut t'égarer. Wa law ijtama'at al-umma 'ala an yadhurruk bi shay' ma katabahu Allah lak lam yadhurruk. لم يضروا إلا بشيء قد كتبه الله عليك كما جاء في الحديث. قال ومن يضلل فلا هادي له. Ça te montre que الهداية tu la demandes à Allah سبحانه وتعالى. الهداية c'est pas un héritage. الهداية c'est من الله. أخي الكريم دائما لا تغفل في سجودك. لا تغفل entre الأذان والإقامة. لا تغفل في آخر ثلث الليل قبل الفجر. لا تغفل قبل المغرب يوم الجمعة. Sa'a, comme akhbar an-nabi sallam, il y a un moment, anna celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il l'exauce. La taghfal tous ces awqat, tu fais le dua. Et la taghfal quand tu fais le dua, tu demandes que des choses de dunya, des choses futiles. Là, la première chose, et min aham, ma tas'al li rabbik, c'est l'hidayah. Falihada, alladhi yata'ammal surat al-fatiha, tous les jours tu récites hada. Et tous les jours tu demandes hada. Lakin al-mushkila c'est qu'ahyanan nahnu demande bil lisan et notre qalb il est ghafil. Amma fi al-haqiqa tous les jours tu demandes hada. Qala subhanahu wa ta'ala fi surat al-fatiha ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est hada. Wa man yudlil fala hadiya la. Fal-huda tu la demandes d'Allah. Fi al-haqiqa tu demandes hada 17 fois par jour minimum. Il y a 17 raka'a par jour obligatoire. Fait tu demandes hada 17 fois. Lianna dans chaque raka'a tu dois réciter al-fatiha. La salat liman lam yaqra bi fatihat al-kitab. Donc tu as 17 raka'a wajiba par jour. Donc tu dois réciter le fatiha. Donc tu fais ce dua. Lakin ghafla. Ahyanan on récite. Roubama tu as oublié. Et tu n'as pas fait attention que tu as fait ce dua. Alors il ne faut pas que ce dua il devienne automatique. Ihdina sirat al-mustaqim. Tu demandes à Allah qui te guide. Et s'il te guide, wa man yahdihi Allah fala mudilla lahu. C'est muhim jiddan. Et nous, on le fait tous les jours, mais on fait des efforts à l'ihtisab, on fait des efforts à l'ikhlas, on fait des efforts à ta'ammul ou à tadabbur. Comme a dit Azza wa Jal, afala yatadabbaroun al-Qur'an. Qala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi, wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin, wa sallama tasliman amma ba'd. قال فإن من المهم وركز كعالم من العلماء من الأئمة من المتقدمين أو من المتأخرين أي les contemporains. Quand tu te dis من المهم فركز qu'est-ce qu'il va dire après. C'est un imam de la sunna, c'est un imam في التوحيد, c'est un imam في التفسير رحمة الله عليه. Il veut dans cette مقدمة te montrer quelque chose de مهم فركز. لأن العلماء تعلمون أن في المقدمة il veut te nabah lui avant de rentrer dans la risala. C'est pour ça qu'ils appellent ça muqaddima, une introduction. Imma, il va t'expliquer la risala. Il va te la résumer en quelques phrases. Et on va parler de telle chose. Imma, un conseil avant de rentrer dans la risala. N'tabih, telle chose. Imma, une mise en garde avant de rentrer dans la risala. Fais attention à telle chose. Fa muqaddima tel ulama. C'est muhim, jiddan. Avant de rentrer dans le livre, anta rakkiz al muqaddima. Qala famina al muhim. في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول. شيخ العثيمين تعلمون إلى دوني بوكو دامبورتونس أصول que ça soit fil hadith, il a une risala fi hada, et il a fait l'explication de l'Bayquniya, que ça soit fil nahw, il a donné beaucoup d'importance au nahw, khasatan al-usul kal ajrumiyya, il a donné l'importance à hada fi al-asma wa sifat fi al-aqida, il a écrit une célèbre risala al-qawa'id al-mutla, c'est des usul, كذلك في الاصول في اصول الفقه il a écrit une risala al-usul bin ilm al-usul, fi al-haqiqa law tata'ammal chaque fan il a une risala fi mabadi hada al-fan fi usul. L'imam, il sait très bien que pour avancer fil il, tu dois avoir ces usul. Et il répétait souvent, rahmatullah alayhi, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans ses livres, dans ses audios, il répète souvent la phrase de son cheikh, al-allam al-imam, Abdurrahman, al-sa'di, rahmatullah alayhi, man hurrim al-usul, hurrim al-usul. Celui qui est privé des usul, des fondements, il sera privé de al-usul, et de l'arrivée. Sahih. Celui qui n'a pas des fondements, il veut monter sur le toit d'une maison et il ne prend pas les escaliers, il n'a pas d'échelle, il n'a pas de moyens, il n'arrivera pas à aller au-dessus. Et ces ulama, ils savent très bien, ils veulent ton bien, ils veulent que tu arrives. Tu fais des sacrifices niveau argent, tu fais des sacrifices niveau famille. Rubama, tu as quitté ta famille. Rubama, tu avais un travail, tu l'as délaissé. Tu fais des sacrifices dans ton nefs. Rubama, tu ne serais pas un talib ilm, tu ferais des efforts dans le dunya, tu mangerais mieux, tu aurais plus de confort. Tout ça, tu fais des sacrifices. C'est pour arriver à un but. Enfin, le shir, il le sait tout ça, il est passé par là avant toi. Il te montre, vu que tu as fait des sacrifices, vu que tu veux arriver à un but, prends le bon tariq. Comme min talabat al-ilm, Allah, il fait des efforts, Rubama, plus que toi. Il a fait des sacrifices plus que toi. Il a délaissé plus que toi. Et Rubama, il n'arrive pas à un but qui devrait arriver. Limada, liyanna tariqa, c'est muhim. Pour arriver d'un point A à un point B, il y a plusieurs tariqs. Faroubama, une chose que tu peux faire en une semaine, si tu ne fais pas attention, tu peux la faire en un an. L'imam, elle est tariqa, elle n'est pas bonne. Talabat l'ilm, il commence une chose, il finit pas, il délaisse. Toma une deuxième chose, toma il fait plusieurs choses à la fois. Toma, au bout d'une année, fil haqiqa, il n'a pas fait ce qu'un talib sérieux, il a fait en un mois. Un talib qui est sérieux et qui a la bonne méthode. Bien sûr, tout ça avec l'ikhlas. Ta'alamoun, il y a des ma'an al-waqt, il est qasir. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Et ce ilm, c'est ton capital fi hadith dunya. C'est ce que tu retrouveras yawm al-qiyam. Ce ilm, bien sûr, avec l'amal. Ad-din. On donne de l'importance et on stafut de ha'oula qui ont beaucoup d'expérience. Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Sa'di. Ha'oula, ils ont beaucoup d'expérience fi hadith al-bab. Et tu remarques que dans leur livre, ils conseillent beaucoup hada. Talabat al-ilm, ils leur conseillent de commencer par l'usul. Et de donner de l'importance à l'usul. Et ce qui vient après, c'est ashal, si tu as les fondements. قال فإن من المهم في كل فن لجمع سفنون الفن سلا ماتير النحو الحديث أصول الفقه التفسير الفقه التوحيد العقيدة ça c'est des فنون des matières. قال فإن من المهم في كل فن donc c'est très important pour chaque matière أن يتعلم المرء من أصوله chaque matière a des أصول. نحن الآن on a une matière qui est مهمة جدا التفسير. التفسير c'est une matière مهمة بل c'est من أهم الفنون. لماذا؟ لأن c'est l'explication de كلام الله عز وجل. علم التفسير معلوم. Ce علم التفسير il a des أصول. فأنت en tant que طالب العلم tu dois donner du temps et tu dois faire des efforts comprendre avant de comprendre le tafsir de telle sourate tu dois avoir des ma'loumat dans les usul de ce fan. Ce fan il a des fondements. قال فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له. Ce asl ou ces usul que tu vas apprendre, que tu vas étudier, ça va être comme قال شيخ ابن عثيمين يكون عونا له. Ça va t'aider. Ça va te faciliter. Ça va te ce chemin que tu vois très long, ça va te le raccourcir vite tel avec ses usul. C'est pour ça que tu vois la différence entre talabat al-ilm et ceux qui se prétendent talabat al-ilm. Il y a une différence azim. Un talab ilm, ismun ala musamma, c'est pas une étiquette. Et les pseudo talabat al-ilm entre guillemets, tu vois une différence vite tel. Talab ilm, il est ala usul. Un qui se prétend talab ilm, c'est une étiquette faqat, il est un peu là. Il a écouté un audio là. Un jour, il tlab l'ilm. Un mois, il est fit dunya. Aïe, délaisse talib ilm. C'est un talib ilm entre guillemets. Tu vois une différence azima avec ce talib ilm qui son ilm est fondé sur des usul. Et tu le vois, hada, tu vois la différence. عند الفتن. عند الفتن, ce talib ilm qui a la usul, il ne connaît pas de taqlid. Il connaît قال الله قال الرسول, il a des fondements et il s'accroche. Tu vois ce talib ilm entre guillemets, une fitna, وربما c'est le premier à suivre. لماذا لأن في الحقيقة c'est une étiquette. فقط. أما les fondements sont hazils. Et تعلمون أن une chose qui n'est pas basée sur des fondements solides compare cela à une maison. Une maison qui n'est pas fondée sur des fondements solides, le moindre mouvement, وربما la maison elle s'écroule. Une maison qui est fondée sur des fondements solides, elle tient beaucoup plus. Elle tient beaucoup plus. Regarde les arbres, un arbre qui a des fondements solides, des racines solides. Il tient, voilà, du vent, voilà, ou quelqu'un le remue, voilà. Un arbre qui a des racines qui ne sont pas solides, ربما, la moindre chose, cet arbre, il tombe. Hakada. Hakada. Fa anta, akhi al-karim, rakkiz ala hada. Tes efforts, fi hada. Ton temps, fi hada. Al-qil wa al-qal, ça contredit hada. Les bada, il y a des frères, ils n'ont pas du temps au sol. Imma al-jahl, il n'a pas quelqu'un pour l'aider, pour lui montrer. Ah, on lui conseille rihla. Ne crois pas que l'ilm va toujours venir. Ne crois pas que l'ilm va toujours venir. Et ne crois pas que l'ilm c'est des audios. Et c'est suivre internet. Ou écouter des cassettes. Ou lire des livres tout seul. Ça c'est taïb. Lakin ça ne suffit pas pour forger un talib ilm. Un talib ilm qui va nous faire. Qui va nous faire nafsa. Et il va nous faire l'umma bi'idhnillah azza wa jalla. Kadhalik, il y a des autres, un autre genre de talib ilm. Il n'avance pas vers Hadal et il ne fait pas assez d'efforts. Un dars s'il est ouvert, il ne vient pas. Ou il vient, tout le monde, il arrête. C'est lui qui est responsable. Il peut, il a accès et il ne fait pas d'efforts. Hadal, il est à la khatar, rubbama. Cette ni'ma, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui enlève. Kadalik, il y a des autres talabat al-ilm, il est occupé par autre chose. Qil wa qal, fulan, il a dit. Ou la moindre chose, huwa, il suit. Ce n'est pas taillé pour un talib ilm. Un talib ilm, il doit s'isoler. Et il doit mettre des ponts entre lui et les gens. Ce n'est pas il suit. Hada, c'est muhim. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, tawfiq. Qala liyakuna ilmuhu mabniyan ala usus. Jam'u asas. Usus, le pluriel de asas. Et ça ressemble à al-qawa'id, ça ressemble au usul. Aïe, des fondements, des bases. قال ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول إلا سيتي هنا رحمة الله عليه هذا tu te demandes أنت pourquoi il y a des talabat al-ilm ils ont de la قوة plus que d'autres pourquoi il y a des mashaykh ils ont de la قوة plus que d'autres صحيح c'est pas tout le monde qui est au même niveau prends l'exemple de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمة الله عليه قوة عجيبة dans le hadith, dans le tafsir, dans le fiqh. Limaada li anna dans l'usul, dans le fiqh, il a une risala fil usul. Dans le tafsir, il a une muqaddima, usul. Cette risala muqaddima usul le tafsir. Dans l'aqida, il a des usul, al-wasitiyya. Il est qawi bil abwab. Il parle dans un ilm, comme a qala ba'du al-a'imma, Cheikh l'Islam, il parle dans un ilm, t'as l'impression qu'il est mutakhassis sur hadha al-fan. Annahu toute sa vie il a fait que du tafsir. Il parle dans le fiqh, toute sa vie il a fait que du fiqh. Il parle dans le hadith, c'est un muhaddith, un hafid kabir. Hakada, limada, lianna il a donné de l'importance. Cheikh Ibn Uthaymeen, d'où elle vient cette quwwa? Il a fait des efforts avec l'usul et c'est devenu cet imam que tu vois et tu profites de lui là. Qal wa min ajal funun al-ilm bal huwa ajalluha wa ashrafuha ilm al-tafsir. Sahih. Lianna le ilm, tu connais l'importance du ilm par rapport au sujet qui est traité. Maintenant, le sujet qui est traité, ilm tafsir, c'est quoi? C'est l'explication de kalamullah. Vu que ça explique a'azam al-kalam, wa anfa' al-kalam, donc c'est le ilm, amin anfa' al-ulum wa ajal al-ulum. Mitla al-aqida. Al-aqida, c'est min a'azam al-ulum. Limada, lianna tu vas étudier quelle aqida? Aqida al-islam. Aqida qui est dans le Coran et qui est dans le sunna. Wa hakada. Plus le ilm il a de l'importance, plus l'étude de ce ilm c'est important. قال علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل وقد وضع أهل العلم له أصولا. Ce ilm c'est comme le mustalah. Mustalah c'est un ilm qui est venu après. Vu que ilm al-hadith s'est propagé, les narrateurs il y en a eu beaucoup plus. Il a fallu les ulama, ils ont eu besoin de mettre des règles pour que Talib al-Ilm comprenne. Ce hadith, il est mursal, ce hadith, il est mouqouf, il est marfou, il est. L'oral arabien, c'est ce chien. Quraysh, ils parlaient l'arabe, c'est leur langue naturelle. Nous, avec le temps, vu qu'on a, on n'a pas connu cette langue, on a été écarté de cette langue, il te faut des règles pour comprendre. Il t'explique un mubtada, dès que c'est au début, c'est toujours marfou, il t'explique un naïb fa'il, un fa'il, un maf'oul, etc. At-tafsir, c'est ce chien. Nous, vu qu'on s'est écarté de cette époque et on s'est écarté de ce rythme, les ulama ils vont t'expliquer des usul pour te faciliter maintenant la compréhension du Coran et le Karim. C'est ça son qawl wa qad wada'a ahlul ilm. Qala kama wada'u li ilm al-hadith usulan wa li ilm al-fiqh usulan. Matalan, ilm usul al-fiqh. Usul al-fiqh, matalan, am, khas, comment tu fais? Il est am, il est khas. Il t'explique une règle. Anna le khas, il va spécifier le am. Comme on l'a vu dans l'usul, etc. Qal, wa qad kuntu katabtu min hadha al-ilm. Aïe, ilm, usul al-tafsir. Ma tayassara li tullab al-ma'ahid al-ilmiya. Fi jami'ati al-imam Muhammad ibn Sa'ud al-islamiya. Et Cheikh Mohamed ibn Uthaymin, à une époque, il était professeur. Donc, il a senti le besoin d'écrire une risala simple pour les tullab, les débutants, dans ce fun. Et cette risala, elle est devenue mu'tamada dans les programmes qu'elle a étudié. Jusqu'à l'an, Allah. Allah, dans Usul al-Tafsir, il commence par la risala de Cheikh Mohamed ibn Uthaymin. Et dans Kathir al-An, min al-Marakiz, que ce soit au Yémen, dans Kathir min al-Jami'at, des écoles, etc., il commence ce ilm al-Tafsir al-Usul, il commence par Risalat Cheikh Mohamed ibn Uthaymin, c'est devenu une référence, elle est sahla, et Cheikh Uthaymin, là, c'était des exemples simples, fahada, fafiha, fawa'id, a'zima. Falihada, nous on conseille les frères qui veulent étudier, commencer à étudier ce ilm, ayat al-Tafsir, Usul al-Tafsir, il commence par cette risala. قال فطلب مني بعض الناس خلاص عم موت الانسان كما parlait avant le dars لا يستعجل في التاليف طلب العلم لا يستعجل لا c'est une idée d'un livre à écrire une nasiha à faire tu reviens à ton shir c'est un shir et tu demandes c'est lui qui la fasse il a son kalam il est aqwa et il est écouté اما انت un طالب tu restes un طالب. Ça ne veut pas dire que le talib il écrit pas, il conseille pas. Lakin mit le hadi al-usul, hadi al-rasail al-muhimma. Si c'est l'ulama qui les écrivent, c'est ahsan et c'est amfa. Falihada qal fa talaba minni ba'du an-nas. Certaines personnes, ils ont demandé à Cheikh Ibn Uthaymin, c'est lui qui écrit, hatta ça devient une référence, et nas yastafidun. Et c'est ce qui s'est passé, walillahi alhamd. Qal fa talaba minni ba'du an-nas an ufridaha fi risala. Ah, Cheikh Ibn Uthaymin, il avait écrit des choses par rapport à ce ilm, usul al-tafsir. Obama, c'était plus vaste que cette risala. Thomas, ils lui ont demandé de résumer l'essentiel dans une risala. Hatta, ça devient le premier pas pour Talib al-Ilm dans ce film. Qala fa talaba minni ba'du an-nas an ufridaha fi risala li yakun dhalika aysar wa ajma' fa ajabtuhu ila dhalik wa as'alu Allah ta'ala an yanfa' biha. Muqaddima nafi'a. Kalam mukhtasar, kalam sahl, des kalams simples. Et t'astafid minhu kathir anta en tant que talib. Thumma, il cite dans cette muqaddima, et on ne lira pas nous, hada, il cite khulasat al-risala. Il va commencer par le Coran al-Karim, ayat ta'rif, et c'est quoi le premier verset qui est descendu, etc. Thumma, il va un chapitre fit tafsir, c'est quoi le tafsir, al-wajib ala al-muslim fit tafsir, al-mardi' fit tafsir. Thumma, ici des autres aqsam qu'on verra inshallah qalil qalil. Hada wallahu ta'ala a'lam. Et à partir de demain inshallah on commence le chapitre Al-Qur'an Al-Karim des fawaid par rapport au Qur'an. Hayyakum Allah naktafi bi hada. Subhanak Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.